ni Belle, ni Vigira. Avec la mise en onde d'Eric Dogo, vous suivrez la radio Isanganiro émettant depuis Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 5 mars 2019. Mais d'abord, les principaux titres. Le Burundi dit avoir besoin de plus de 20 000 milliards de francs burundais pour réaliser le programme national de développement conçu pour 2018-2027. Vous entendrez tout à l'heure le ministre burundais des Finances, Domitien Ndihokubwayo, qui démontre les forces auxquelles compte le gouvernement pour voir cette somme. Et c'est la semaine dédiée à la femme, puisque nous sommes à quelques jours de la célébration de la Journée mondiale de la femme. Aujourd'hui, on va vous parler de femmes exerçant le petit commerce et comme les vendeuses de fruits qui affirment être capables de satisfaire les besoins de leur famille grâce à son métier. Mais à Muyinga, on parle de la maladie appelée pseudo-peste aviaire, appelée là également Newcastle, qui a déjà emporté la vie d'environ 2000 poules dans une période ne dépassant pas un mois. Vous en avez l'habitude tous les mardis. Vous avez droit à la chronique santé. Aujourd'hui, l'on vous parle de la constipation. Mais ne craignez pas d'être constipé, d'autant plus que c'est l'heure de table. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Économie, pour débuter cette édition, le gouvernement burundais a besoin d'un budget de plus de 20 000 milliards de francs burundais pour mettre en œuvre le programme national de développement 2018 et 2027. C'est l'annonce faite par Domitien Ndihokubwayo, ministre des Finances, après un atelier de sensibilisation du plan national de développement à l'intention des députés, sénateurs et les cadres du bureau de l'Ombudsman burundais. Il espère que ce montant sera disponible en provenance de la volonté de la population et des ressources financières du Burundi. Suivez plutôt le ministre Domitien Ndihokubwayo et nous devons cet élément sonore à nos confrères de la Radio Nationale. Nous avons échangé avec eux sur le contenu du plan national de développement. C'est donc une belle occasion qui nous a été donnée pour leur donner un message qu'ils pourront aussi partager avec la population pendant les descentes sur terrain. Parce que le plan national de développement, c'est pas un plan pour le gouvernement, c'est un plan pour tout Burundais, un plan pour les Burundais, et c'est tout un chacun qui doit y contribuer, qui doit contribuer à sa réussite. Vous avez dit qu'il faut 20 000 milliards de francs burundais. Comment mobiliser ces fonds? On se pose toujours la question de comment mobiliser ces fonds. Mais il faut d'abord regarder quelles sont les forces que nous avons. La première force que nous avons, c'est la population burundaise. Nous avons à peu près 11 millions d'habitants et essayez de faire un calcul. 20 000 milliards divisé par 11 millions d'habitants, vous pouvez trouver à peu près le montant qui revient à chaque tête pour pouvoir couvrir ce montant. Ce que je veux dire par là, c'est que la population burundaise est animée d'une bonne foi de faire avancer son développement, mais a aussi les capacités, les compétences pour pouvoir mobiliser ces fonds. En tout cas, le taux de croissance, il y a un gros défi à relever. Il faut passer à un taux de croissance de 4%, un taux de croissance de 2 chiffres à l'horizon 2027. Les forces que nous avons pour le faire, je le répète toujours, c'est la bonne volonté de la population burundaise à pouvoir avancer sur le chemin du développement. Un autre avantage que nous avons, c'est que le Burundi regorge de beaucoup, beaucoup d'opportunités qui n'ont pas été exploitées jusqu'à présent. Je citerai aussi, par exemple, la présence des ressources naturelles abondantes, mais aussi un pays extrêmement beau, qui offre dans tout le pays un site touristique qui peut être visité. Je peux aussi parler de la présence des ressources en eau qui peuvent être utilisées pour faire des barrages hydroélectriques et nous donner par exemple l'énergie nécessaire pour pouvoir accompagner ce développement. Je n'ai donc aucun doute que nous allons atteindre cette croissance à 2 chiffres si nous nous y mettons tous sans exception. Domitien Ndihokubwayo, il est ministre burundais des Finances. Et certains habitants du chef-lieu de la province Muyinga demandent la réhabilitation de la voirie de cette ville. Sur le micro-trottoir de la radio Isanganiro, ces citadins de Muyinga indiquent qu'il est difficile de faire des mouvements dans les avenues pleines de nids de poules, souvent à l'origine des accidents. Pour eux, si ces avenues subissent des pavements, elles permettront de changer l'image de cette ville qui se situe à quelques kilomètres de la frontière burundo-tanzanienne. Suivez certains de ses habitants. Des pavés sont nécessaires ici à Muyinga. Nos visiteurs peuvent se sentir à l'aise. S'il y a des cotisations qui sont demandées, nous le pouvons. Il manque encore des initiateurs du projet. Nous demandons à nos autorités de prendre le devant. Nous n'avons pas de pavés. Nous nous sommes habitués à cette situation. Ça nous fera plaisir si ces avenues sont réhabilitées. La circulation est très difficile ici. Si ces avenues ne sont pas aménagées, rien ne va vraiment. Des conducteurs de moto conduisent mal et causent des accidents suite au mauvais état de cette voirie. Dernièrement, il y a eu un enfant qui est mort suite à ces accidents. Des avenues sont pleines de nids de poules, ce qui fait qu'on conduise mal nos motos. Ça serait mieux si ces avenues sont transformées en pavés. Ça diminuera des lamentations de la part de nos clients et des visiteurs en provenance de la Tanzanie pourront constater le changement au niveau de la ville de Muyinga. Ce pavage ne peut pas être difficile ici à Muyinga. Nous avons des commerçants, des conducteurs de motos et véhicules. Ils peuvent donner des cotisations suffisantes. La ville peut changer d'image pour être comme Agite Gawangozi, par exemple. Avec ces avenues si mauvaises, nous enregistrons des pertes énormes. Il y a de la poussière. Mais si ces avenues sont transformées en pavés, ça sera très plaisant. C'était le micro-trottoir de la radio Isanganiro. Je vous l'avais dit en titre, certaines femmes exerçant le petit commerce de fruits en mairie de Bujumbura disaient que ce métier leur permet de faire vivre leur famille. Elles indiquent que grâce à celui-ci, elles peuvent scolariser leurs enfants. Certains des défis rencontrés sont le manque de fruits pendant toutes les saisons et la réduction de clients. Elles demandent au gouvernement de les appuyer financièrement pour élever leurs capitaux et de rendre disponibles les places aux autres femmes qui font le commerce ambulant. Les détails avec Vettine Boutoui. Ces femmes que nous avons rencontrées étaient sur leur lieu de travail situé tout près de l'avenue de la Gérère, à côté de l'école primaire Athénée. Certains des fruits qu'elles vendent sont entre autres des mangues, des oranges, des prunes de Japon, des pastèques et autres. Evelyne Nizigiman, surnommée Gisèle, est parmi celles-ci. Elle indique qu'auparavant, elle faisait le commerce ambulant et par conséquent, elle avait beaucoup de problèmes avec les agents de la police. Avant, quand on travaillait dans la rue, nous n'étions pas tranquilles car les policiers nous chassaient et des fois saisissaient nos marchandises et on a enduré pas mal de pertes. Et c'est après avoir constaté cette difficulté qu'une des deux se mettre ensemble est leur revenu dans leur tête. Elles étaient au nombre de 13 et avaient commencé à chercher l'endroit favorable à leur commerce. Elles affirment qu'aujourd'hui, elles exercent tranquillement leur métier. De plus, grâce à celui-ci, elles sont capables de subvenir aux besoins de leur famille et de scolariser leurs enfants. Nous nous contribuons dans les besoins familiales, les frais de scolarité des enfants, par exemple, et éviter que nos enfants aillent dans la rue. Cependant, certains des défis auxquels elles font face sont la réduction des clients et la carence de certains fruits selon les saisons. Au moment où ces femmes vendeuses de fruits demandent aux autorités habilitées de leur donner un appui financier en vue d'élever leurs capitaux et de disponibiliser les places aux autres femmes faisant le commerce ambulant et les interpelle celles-ci à se mettre en groupe afin de trouver une place adéquate pour leur commerce. Merci Vestine Boutoyi. Et après une courte pause, on va passer en page éducation. Isanganiro, la radio de l'avenir. Il est 13h04 et la même heure en province de Gitega. Je rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Suivez-nous également en direct, en live, via Isanganiro Burundi, c'est sur la page Facebook. Le taux de scolarité des enfants abattoirs de la colline Kibogoyen, commune Etaba, en province de Gitega, a récemment augmenté. Les abattoirs de cette colline indiquent que c'est grâce à l'origine des cantines scolaires et à l'appui en matériel scolaire de certains bienfaiteurs. Ils ajoutent que la pauvreté et la faim qui caractérisent beaucoup de ménages batois sont les unes des causes du faible taux de scolarité des jeunes batois du pays. Gérard Nibigira. Certaines gens de la composante sociale des batois de la colline Kibogoye, commune Itaba, province de Gitega, avec qui nous sommes entretenus, disent que comparativement aux années antérieures, le taux de scolarité des jeunes batois a augmenté maintenant à cette colline. Les raisons avancées sont entre autres l'ONG World Vision qui les appuie en matériel et uniforme scolaire, sans oublier la mise en place des cantines scolaires dans les écoles de la commune Itaba. Il précise aussi que la pauvreté et la faim qui caractérisent pas mal de ménages batois sont les principales causes du faible taux de scolarité de jeunes batois au pays. Néanmoins, Karikumutima Domitien, le premier jeune mutua de la colline Kibogoye a fréquenté la classe terminale d'une école secondaire, demande à ses confrères jeunes batois de dépasser leur pauvreté et faim pour plutôt s'adonner à l'école. L'homme prépare son avenir meilleur quand il en est encore capable, insiste-t-il. Sur cette colline Kibogoye habitent 30 ménages de Batois. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira, quittant le centre du pays pour aller au nord. Reste du pays, parlons élevage. 2000 poules sont déjà mortes en province Muyinga. Suite à la maladie de Newcastle, les éleveurs essaient de soigner ces volailles à l'aide du paracétamol et du Bactrim. Au niveau de la santé animale, au bureau provincial et de l'environnement, agriculture et élevage, l'on conseille plutôt à ces éleveurs de faire vacciner celles qui n'ont pas été atteintes de cette maladie, Dieudonné Nzeyimana. La maladie de Newcastle sévit en particulier dans les communes de Muyinga, où environ 600 poules sont mortes, et à Buhinyuza, où c'est plus de 450. Toutes les communes sont concernées. Les éleveurs affirment essayer de soigner leurs volailles atteintes. Des médicaments normalement administrés à l'homme sont utilisés. Les éleveurs nous ont confié se servir de Bactrim et du paracétamol pour soigner leurs poules. Au service santé animale au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Muyinga, on reconnaît l'existence de Newcastle dans la province. Maladie virale, très contagieuse, pas de traitement. Il faut plutôt privilégier la prévention par vaccin. Vaccin d'ailleurs moins cher, car autour de 100 francs seulement pour une dose d'après les vétérinaires. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. La constipation est une maladie qui attaque l'abdomen, comme dit par le spécialiste en médecine interne, qui explique que dans ce cas, il s'observe un retentissement de l'évacuation des matières fécales. Docteur Angélique Niokindi indique que la constipation peut être causée par une autre maladie, comme le verminose intestinal, ou par le mauvais fonctionnement des muscles. Chronique santé d'aujourd'hui, c'est avec Cornelia Mucho. Dépasser 24 heures sans faire le grand besoin, avec souvent des douleurs abdominales, est l'un des signes qui s'observe chez une personne qui souffre de la constipation. La spécialiste en médecine interne, Angélique Niokindi, nous l'explique. Les symptômes pour une personne qui est constipée, c'est surtout ce ralentissement d'évacuation. Ce qui va être recueilli sur le patient, qui va vous dire qu'elle a passé combien de jours à ne pas évacuer ses déchets. L'autre symptôme, ce sont les douleurs abdominales. Et c'est surtout les douleurs au niveau de l'abdomen, tout l'abdomen. L'autre signe, ça sera lié aux complications. Si cette complication dure, ça veut dire que les selles qui vont sortir sont dures sous forme de petits cailloux. Selon toujours ce spécialiste, la constipation peut être causée par certaines maladies, dont la verminose intestinale. Les constipations symptomatiques, ça veut dire que c'est un symptôme d'une autre pathologie. L'exemple que je peux vous donner, c'est un cas de verminose intestinale qui sont responsables de ce ralentissement. Ou bien un cas d'obstacle, prenons par exemple une tumeur au niveau des intestins, à tous les étages, depuis le gros intestin, les intestins grêles et jusqu'au niveau du rectum, qui empêche la progression du bol alimentaire. Des douleurs abdominales liées aux maladies chroniques de longue durée peuvent causer également la constipation, comme nous l'explique Dr Niokindi. Pour la constipation fonctionnelle, c'est la constipation qui est liée au mauvais fonctionnement de nos muscles lisses au niveau des intestins. Ça veut dire que les intestins ou les muscles lisses ne se contractent pas comme il faut. Tout chez les personnes qui sont alitées, ou bien chez les personnes qui sont trop sédentaires, ou bien chez les personnes qui ne boivent pas de l'eau suffisante, ça veut dire minimum 1,5 litre par jour, ou bien chez les personnes qui ont d'autres pathologies qui ont un aspect psychologique, les maladies chroniques, communément appelées les colopathies fonctionnelles, où les gens se plaignent des douleurs abdominales chroniques depuis plusieurs années qui sont associées à cette constipation. Des fois, la constipation qui peut s'alterner avec des diarrhées, qu'on appelle des fausses diarrhées. Les femmes sont les plus touchées par la constipation. Dr Niokindi nous l'explique. Les personnes les plus touchées, d'après les études qui ont été faites, on a trouvé que c'est fréquent chez les femmes. Et là, si on essaie de chercher l'explication, on pense que ce sont les femmes qui sont plus sédentaires que les hommes. Et en plus aussi, en y ajoutant ces complications, comme il y a beaucoup de femmes qui sont en activité sexuelle, C'est même le cas de la grossesse chez les femmes enceintes. Ça comprime au niveau des intestins. Ça ralentit cette sortie de ces matières fécales. Les complications causées par la constipation et son traitement, c'est dans notre prochaine chronique santé. Merci, Ornella Mucho, et merci également à vos chers auditeurs. Quant à nous, on vous souhaite plutôt la bonne digestion. Et c'est ici que nous allons mettre fin à cette édition. Mais avant juste de vous quitter, je vais vous rappeler que le Burundi dit avoir besoin de plus de 20 000 milliards de francs burundais pour réaliser le programme national de développement conçu pour 2018-2027. Et vous avez entendu tout à l'heure le ministre burundais des Finances, Domitien Ndihokubwayo, comment il démontre les forces auxquelles compte le gouvernement pour avoir cette somme. C'est la semaine dédiée à la femme, puisque nous sommes à quelques jours de la célébration de la Journée mondiale de la femme. Aujourd'hui, l'on vous a parlé des femmes exerçant le petit commerce, comme les vendeuses de fruits qui affirment être capables de satisfaire les besoins de leur famille grâce à son métier. Et vous venez de l'entendre, à Muyinga, on parle de la maladie appelée pseudo-peste aviaire. Rappelez-la également Newcastle, qui a déjà emporté la vie d'environ 2000 poules dans une période ne dépassant pas un mois. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eli Kadogo pour la mise en onde. Eli Nibel Nibigira, j'étais à la présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir et bon appétit si vous êtes à table.